Gabriel. Nous avons quitté Miami depuis 1h30 et nous roulons vers le sud sur la US Highway 1. De chaque côté de la route à quatre voies, le paysage est infiniment plat. Nous longeons les Everglades sur notre droite. Cheveux au vent, Nathalie tient à merveille son rôle de guide en me parlant de la Floride, mais refuse obstinément de me révéler notre destination. Chaque fois que je lui pose la question, elle fait la moue et fronce les sourcils. En toute logique, nous allons vers les Keys, mais surprise oblige, elle reste évasive chaque fois que j'aborde le sujet. C'est bientôt le premier pont, une bande de terre, un deuxième pont. Nous roulons au-dessus de l'océan. Il suffit de ne plus regarder la route pour avoir l'impression de voler entre l'azur du ciel et celui de la mer. Nous passons d'île en île. Sur chacune, la Mustang traverse de petites agglomérations qui sont autant de stations balnéaires avec leur marina et la même grande rue. De chaque côté, des immeubles à un seul étage, dont les rez-de-chaussée sont aménagés en commerces, bars et restaurants encore vides à cette heure. À l'entrée et à la sortie de chaque ville, on retrouve les mêmes pavillons surélevés avec terrasses et de temps en temps, un peu isolés, quelques maisons nettement plus cossues. Au fur et à mesure que nous avançons, les constructions se font plus rares et l'océan devient omniprésent. Il n'est pas loin de midi et nous sommes mardi 14 février, la Saint-Valentin. Depuis ce matin, depuis l'instant où je me suis réveillé, j'essaie de dissimuler mon petit secret. J'ai eu du mal à cacher discrètement au fond de mon sac la petite boîte qui ne me quitte pas depuis N'Djamena. Je joue à celui qui ne sait pas, celui qui a oublié. Bref, le monsieur pas très galant. Je me dis qu'elle pense peut-être que dans mon monde africain, ce n'est pas la fête des amoureux, mais un jour comme les autres. Il m'a bien semblé déceler une lueur dans son regard quand Fernando a chargé nos sacs. Lorsque j'ai demandé où nous allions et pourquoi elle insistait pour que je prenne mon maillot de bain, j'ai droit à un petit regard en coin très mystérieux. C'est une surprise. Traduction, ne cherche pas à en savoir davantage, je serai muette comme une carpe. Par jeu, plus que par nécessité, je l'ai encore prise dans mes bras pour descendre l'escalier. Elle marche plus facilement qu'hier, mais j'ai noté une petite grimace de temps à autre suivant la façon dont elle s'appuie sur sa jambe. Hier soir, nous sommes d'ailleurs restés très sages. Non pas très sages, sages seulement, pour ne pas risquer un faux mouvement qui aurait aggravé son état. Ce matin, en l'aidant à s'installer au volant, je lui ai fait promettre de consulter un médecin à notre retour, si elle ne sentait pas d'amélioration. J'ai eu sa promesse appuyée d'un bisou. Nous venons de quitter Boot Cay et la voiture s'engage sur un pont qui semble se perdre dans l'infini de l'océan pour arriver nulle part. C'est impressionnant. Nathalie m'explique que nous sommes sur la Seven Mile Bridge, autrement dit un pont qui fait plus de 11 kilomètres. Le paysage est magnifique. Encore une fois, cette impression magique de voler entre ciel et eau. Un panneau nous indique « Baya Honda Cay », un demi-mile. Nous sommes de nouveau sur la terre ferme, mais j'ai l'impression que nous allons au bout du monde. Plus loin, on aperçoit le début d'un autre pont et un panneau nous signale la prochaine île « Big Pine Cay ». Et puis, au moment où je m'y attends le moins, Nathalie ralentit, sort de la highway et s'engage sur une petite route qui très vite devient une rue et pique tout droit vers le nord au milieu des marinas et de quartiers pavillonnaires avec leurs villas cossues. Cette île est beaucoup plus grande que les autres, mais alors que je nous crois arrivés, Nat s'engage sur un autre pont. Devant nous, une île beaucoup plus sauvage que toutes celles que nous venons de traverser. Un panneau, No Name Cay, l'île sans nom. Tout de suite après le pont, Nathalie prend à gauche et longe ce qui semble être une lagune bordée d'arbustes. De ci de là, quelques maisons à l'aspect plus rustique. Encore un mile, et Nat sort de la route pour s'engager sur un chemin de terre. Un subtil changement dans l'air nous indique que nous allons retrouver la mer. La plage est toute proche. Dissimulée par une petite dune cordon, on ne la voit pas, mais on distingue très nettement l'odeur caractéristique des cocotiers, des buissons et des herbes hautes du bord de mer. Je regarde Nathalie pour savoir si nous approchons de notre destination. Elle reste imperturbable, très concentrée sur sa conduite, le soleil à son zénith allume des reflets d'or dans ses cheveux. Après un dernier virage, sur la gauche, dissimulé par quelques buissons et arbustes qui parsèment tout le littoral, un petit chalet de bois et juste devant, un parking de terre battue avec un vieux pick-up Ford garé sous ce qui semble être le seul arbre alentour. Sur la porte, une inscription en lettres peintes, No Name Cay, Chalet's Rental. Nathalie serre le frein à main. Un câlin sur la joue, un bisou. Attends-moi là, j'en ai juste pour une minute. La minute dure largement plus de 5, mais il y a longtemps que l'Afrique m'habitue à ce genre de distorsion temporelle. Lorsqu'elle réapparaît sur le seuil, elle est accompagnée d'un jeune homme à chemise à fleurs et vieux jean transformé en short d'un coup de ciseau. De là où je suis, je n'entends pas ce qu'ils disent, mais pour appuyer ce qui semble être une explication, le garçon lui montre une direction en faisant pivoter sa main vers la droite. Point n'est besoin de traduction. Elle a loué un chalet et se trouve tout au bout de la petite route sur la droite. Une pochette bleue à la main, nade trop bien vers la voiture. Les 3 heures de route y sont-elles pour quelque chose? Il me semble qu'elle boite légèrement. Je descends pour lui ouvrir la portière, ce qui me vaut un grand sourire et 2 petits bisous. Je fais le tour du véhicule, monte à mon tour, lui prends le menton entre le pouce et l'index. « Tu as plus mal que ce matin. » Je ne sais pas si passer 3 heures au volant était bien raisonnable. Ne t'inquiète pas, ça va aller. À partir de maintenant, je me laisser dorloter. Je ne fais plus rien, sauf du canapé et un bisou de temps en temps. Tu le sais bien, quand tu es près de moi, je ne peux pas rester sans bisou plus de 5 minutes. Elle rit et démarre. Nous roulons pendant encore 2 kilomètres. J'ai pu compter les toits de 5 chalets dépassant de la dune. Selon mes calculs, notre plus proche voisin sera à 500 mètres si tant est que le chalet soit loué. Au fur et à mesure que nous avançons, l'état de la petite route se détériore et l'on voit bien que les nids de poules ont été rebouchés à la hâte. Au bout, à droite, impossible de se tromper, on ne peut pas aller plus loin. Nathalie se gare sur le parking derrière ce qui ressemble plutôt à un confortable bungalow qu'à un chalet de plage. Décidément, les normes américaines ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France. Le jeune homme de l'accueil qui nous a suivis avec son vieux pick-up se gare juste à côté de nous. Il vient pour la remise des clés et l'état des lieux. Je ris. « Ah bon ? J'ai cru un instant que tu l'avais invité. » Nathalie ne se laisse jamais démonter, même avec une patte folle. « J'étais justement en train d'y réfléchir. Je trouve qu'il est plutôt mignon, qu'en penses-tu ? » Je fais semblant de ne pas avoir entendu, mais mon sourire a dû me trahir. Nous sommes garés sur l'arrière de la bâtisse et mon premier souci est d'aider Nathalie à descendre de voiture. Une allée de tuf fait le tour du chalet, ce qui nous évite d'avoir à marcher dans le sable pour y accéder. Avec une extrême gentillesse, le jeune homme, qui a remarqué que Nat avait un problème, prend nos bagages dans le coffre de la Mustang. Il nous précède dans l'allée et nous guide vers l'entrée. L'entrée, justement, nous y sommes. Quelques marches de bois. De toute façon, tout est en bois. Et l'on accède à une immense terrasse protégée par un auvent qui déborde largement l'emprise de la maison. La terrasse, à elle seule, doit bien faire plus de 50 mètres carrés, sans compter l'énorme niche de briques réfractaires contenant un gigantesque barbecue. De quoi y faire rôtir un bœuf. Tout le mobilier est en teck. Grande table rectangulaire, chaises et de l'autre côté de la porte d'entrée, dans le coin le plus abrité, l'espace détente avec 2 transats, une table basse, 2 fauteuils et un immense canapé de bambou abondamment garni de confortables coussins multicolores. Le garçon s'efface pour nous laisser entrer. Très grand séjour lumineux dont la baie ouvre sur la terrasse, cuisine américaine, énorme frigo, coin repas, coin salon avec... Oui, c'est bien un piano. Nathalie ne résiste pas, elle s'assied et sait quelques gammes. Seigneur, c'est une bénédiction, et en plus parfaitement accordée. Elle demande au jeune homme s'il est possible de l'utiliser. Sans lever la tête du formulaire qu'il est en train de remplir, souriant, il répond « Si les propriétaires le laissaient, je suppose qu'il n'y voit aucun inconvénient. » Puis, imperturbable, il continue la visite et nous précède dans la chambre. Meublée dans un style moderne, elle ouvre sur la terrasse par une large baie et directement dans le séjour par une porte à 2 vantaux coulissants. Grand placard, vaste lit king size, sur le côté, une porte donne sur une salle de bain de bonne dimension. La douche aux multiples fonctions doit bien occuper la moitié de la surface. Voilà, le tour du propriétaire est fait. Une signature au bas du formulaire et nous sommes seuls. Nathalie tient à ranger elle-même ses affaires dans le placard de la chambre et ne consent à aller s'asseoir sur le canapé de la terrasse qu'après que je l'ai menacé de lui tirer les oreilles, ce qui l'a fait beaucoup rire. Un bruit de moteur, des freins qui grincent. Quoi encore ? Ma réaction amuse Nathalie. Ne te fâche pas, ce n'est que le traiteur, et pile à l'heure. Tu pensais peut-être qu'on allait vivre d'amour et d'eau fraîche. 3 jeunes gaillards, portant 2 énormes glacières, se présentent au pied de l'escalier. Sur les indications de Nathalie, ils ont au fait de transvaser le contenu de leur malfrigo dans leur réfrigérateur. Pendant que Nat signe la feuille de réception, l'un d'eux revient portant caissettes et cartons de boissons comme si c'était des sacs de plumes. Impressionnant. Une fois le vin, le champagne, l'eau, divers sodas et alcool déposés dans la petite réserve attenante à la cuisine, les trois costauds s'éclipsent. Leur sourire est à la mesure du pourboire dont Nathalie vient de les gratifier. Sur les indications de Nat, à qui j'ai intimé l'ordre de rester assise, je garnis le frigo d'eau, de champagne et de soda. Je suis stupéfait de voir le stock de nourriture qui vient d'y être entreposé. Ma tâche accomplie, je reviens sur la terrasse. Nat m'attend, s'étirant voluptueusement, les deux pieds posés sur un pouf. Je lui fais part de mon incrédulité quant au contenu du frigo. À moins que tu n'aies l'intention d'inviter la moitié du village, que penses-tu faire de toute cette nourriture ? Ne t'inquiète pas, les restes feront des heureux. Je suis sûr que le jeune homme de l'accueil a une famille nombreuse et sûrement beaucoup d'amis. Chez le traiteur, tu commandes deux petits déjeuners, deux déjeuners et deux dîners pour deux personnes, et voilà ce qu'il t'amène. Impossible d'y échapper. De toute façon, c'est un forfait. Je reste médusé. La différence de culture avec l'Europe est proprement sidérante. Nathalie se lève avec une petite grimace. Son problème à l'aine ne semble pas vraiment s'arranger. Je lui en fais la remarque. « Ok, je vais me reposer. Et je t'ai promis d'aller voir un médecin, si ce n'allait pas notre retour à Miami. » Donc, en attendant, tu t'assieds. Tu ne bouges plus, et je m'occupe de tout. Mon air sérieux la fait sourire. Tu es un amour. Mais je crois que je vais d'abord aller me rafraîchir et me changer. Je serai plus à l'aise en maillot et en pareo. D'accord. Pendant ce temps-là, je m'occupe de l'apéritif et du repas. Que voudrais-tu boire ? Elle passe ses bras autour de mon cou, m'embrasse, et avant de disparaître, « Pour le déjeuner, j'ai prévu thaïlandais. J'espère que tu vas aimer. Et j'ai commandé du rosé français. Il y aura juste un ou deux trucs à réchauffer. » Elle s'est éclipsée. Je dresse rapidement le couvert et sur la table basse, prépare un seau à glace, deux verres et une bouteille de rosé. Un Côte de Provence. Elle a dû payer ça une fortune. Mais je lui ai juré de ne plus parler argent. Elle revient un quart d'heure plus tard, toute fraîche, coiffée en catogan avec un chouchou orange fluo, assorti à son ultra-bikini que dissimule à peine un pario en voile de coton bleu aux larges fleurs blanches et jaunes qu'elle a nouées autour de ses reins. Au pied, des tongs en cuir blanc. Je la prends dans mes bras et l'embrasse. « Tu es resplendissante. Assieds-toi là et serre-toi un verre. J'arrive dans 10 minutes. » Je reviens sur mes pas, passe la tête par la porte. « Vraiment extra ton maillot. Avec ses petits lacets sur les hanches, c'est comme pour les boîtes de cornflakes. Il ne manque plus que l'étiquette. Tirer pour ouvrir. » J'esquive le bouchon qu'elle me lance à la tête et file vers la salle de bain. Une douche rapide, un t-shirt propre, maillot et short et me voilà prêt. Mon sac dans le placard est tout au fond dans un sachet en pagne, la boîte qui ne me quitte pas une seconde depuis N'Djamena. Pour la dissimuler jusqu'à la dernière minute, j'apporte une petite assiette de mignardise salée que j'ai mise à réchauffer au four pendant que Nat prenait sa douche. La serviette qui est censée éviter de me brûler sert aussi et surtout à cacher ma surprise, mon cadeau de la Saint-Valentin. Je sais qu'elle lit en moi comme dans un livre ouvert. Aussi ai-je répété 100 000 fois mon entrée. Je débouche donc sur la terrasse avec l'air le plus normal qui soit. Là, je n'ai plus besoin de chercher à me composer une tête de tous les jours. Deux choses m'arrivent au creux de l'estomac. Le sourire ravi de Nathalie et le paquet noué par un ruban plus une enveloppe ostensiblement appuyée sur mon verre. Je manque en lâcher assiette et cadeau. J'aurais dû être jongleur. Je parviens à rattraper les deux et garde même assez de présence d'esprit pour maintenir le sachet sur la serviette tout en déposant l'assiette. Je bafouille. Mais, Nat, qu'est-ce que c'est ? Son sourire s'accentue, les fossettes de ses joues se creusent un peu plus et ses yeux brillent de malice et d'amour. Ouvre, tu verras bien. Je m'assieds près d'elle et prends le paquet. C'est assez lourd. M'efforçant au calme, lentement, je dénoue le ruban doré piqueté de cœur rouge. J'écarte doucement le papier sur lequel alternent abeilles et fleurs de lys et les bras m'en tombent. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Deux magnifiques livres anciens à la reliure de cuir patiné. Sur la première de couverture, des armoiries gravées et dorées à leur fin. Une petite fiche d'un très vieux papier est prise entre les deux volumes. Ma main tremble. Le papier, un peu raide, légèrement jauni, est décoré d'une enluminure aux quatre coins. J'ai d'abord un peu de mal à déchiffrer les caractères anciens ou les dessins compliqués, mais lorsque j'y parviens, ce que je peux lire me laisse littéralement sans voix. Librairie Sourget, mémoire du seigneur d'Argenton. Armoirie de gueules au chevron d'or, accompagnée de trois coquilles oreillées d'argent, lignées de sable, posées deux et un, le tout à la bordure d'or. Mémoire de messire Philippe de Comines, seigneur d'Argenton, histoire des rois Louis XI à Charles VIII, depuis l'an 1464 jusqu'en 1498. Édition de Paris, 1747, Abbé Langlais du Fresnoy. J'ouvre avec précaution le petit mot bleu qui l'accompagne. Mon tendre amour. C'est Béatrice qui m'a donné l'adresse, mais c'est moi qui les ai choisis. Malgré mon ignorance abyssale de l'histoire de France, j'ai tout de suite su que c'était ceux-là que je devais prendre, et rien d'autre de ce que le charmant vieux monsieur qui m'a reçu m'a proposé. Ne me demande pas comment, je le savais, c'est tout. Peut-être parce que je t'aime tant, que tu vis en moi et ne me quittes jamais. Bonne Saint-Valentin, avec tout mon amour, Nathalie. Je repose la carte. L'émotion est si forte que je ne suis pas capable de lire grand-chose. Nat, tu es folle. Il ne fallait pas. Merci, mon ange. Quelques secondes pour récupérer. Je me penche vers elle, caresse doucement sa joue et l'embrasse avec toute ma tendresse. Dans mon geste, pour prendre appui sur le bord de la table, j'enlève le carré de tissu et fais glisser le sachet vers elle. C'est à son tour d'écarquiller les yeux et de bourdouiller. Je pensais que, ce jour-là, enfin, que ce n'était pas dans tes habitudes de... Je caresse ses cheveux du bout des doigts, tandis qu'elle me regarde quelque peu effarée. « Mais qu'est-ce que c'est ?» Je ris. « Ouvre, tu verras bien !» Elle a un peu de mal à desserrer le lacet coulissant qui ferme le sachet de pagne. Il parvient enfin et en extrait une boîte rouge rectangulaire ornée de symboles dorés. Sur le côté, un fermoir assez rudimentaire à la manipulation malaisée. Elle manque se casser un ongle lorsque, fébrilement, elle rabat le couvercle. Elle ne s'attendait manifestement pas à y trouver ce qu'elle a sous les yeux. Un document roulé maintenu par un fil doré. Sous le rouleau, une autre petite boîte en carton noir, celle-là est cubique. Le regard de Nathalie bat du rouleau de papier qui tremble entre ses doigts à la petite boîte au fond de la grande et revient vers moi. Très émue, elle essaie de plaisanter. Je connaissais les poupées russes, pas les boîtes. Avec précaution, elle dénoue le fil doré et déroule le document au bas duquel est incrusté un superbe timbre à sec sur trois imposantes signatures. Elle lit « Laboratoire français de gémologie de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Certificat d'authenticité, diamant jaune, forme coussin, 1 carat. Fin de CDPLO, pureté IF. Longueur 6,5 mm, largeur 5 mm, épaisseur 4 mm. Fluorescence médium. Origine République centrafricaine. Certificat original joint validé par le laboratoire. » Le papier lui tombe des mains. « John, mais c'est toi qui es fou !» Je ramasse le certificat et le pose sur la table. « C'est fort possible, mais sur quoi te bases-tu pour l'affirmer ? Tu n'as même pas ouvert la boîte ?» Elle me regarde complètement perdue. « Voilà, s'il te plaît, je ne peux pas, s'il te plaît. » Je lui fais un bisou au coin des lèvres, prends la boîte et enlève délicatement le couvercle. La merveille est là, posée sur du papier de soie chiffonné. « Excuse-moi pour l'écrin, c'est un peu rustique, mais il a le mérite d'être d'origine, directement de N'Djamena. Quant à la monture, c'est du provisoire. » J'extrais la bague de la boîte. La pierre prend tout de suite la lumière et s'enflamme tel un soleil. Lorsque je prends sa main, je la sens qui tremble. Doucement, tendrement, je passe la bague à son annulaire. « Bonne Saint-Valentin, je t'aime très fort. » L'émotion est violente, elle éclate en sanglots. Je me penche vers elle, la serre dans mes bras. « Nat, mon ange, je ne voulais pas te faire pleurer. » Elle blottit sa tête au creux de mon épaule. « Tu ne peux pas comprendre, John. » Aucun homme n'a jamais eu autant d'égards pour moi, même mon foutu mari, qui, à part une bague de pacotille pour nos fiançailles, ne m'a jamais rien offert d'autre. » Elle se redresse brusquement, les yeux pleins de larmes, et dans un reniflement peu élégant, mais combien attendrissant, m'interpelle. « John, ce diamant a dû te coûter une fortune ?» Je l'interromps. « Je croyais qu'on ne parlait pas argent, entre nous. » Elle retrouve instantanément son sourire, s'empare de la serviette qui m'a servi à camoufler la boîte et s'essuie les yeux. « Touché. Un million de merci pour ce fabuleux cadeau, mais je persiste à dire que tu es dingue. » Je confirme. « Complètement. Je suis dingue. Dingue de toi. » Son baiser a le petit goût salé de ses larmes qui se mêlent au goût sucré de sa bouche. Un baiser sucré-salé. Elle se redresse, s'empare de nos verres, me tend le mien. À la santé des amants fous, à notre santé. Le rosé de Provence est un vrai nectar, juste rafraîchi à point pour ne pas casser les arômes, une gorgée de soleil. Je lui propose de ranger nos cadeaux, sauf sa bague, et de faire un saut au menu thaïlandais apporté par le traiteur. Je ne m'y attendais pas, mais les plats thaïlandais sont délicieux et nous y faisons honneur. Pendant que je débarrasse et prépare les cafés, Nathalie est retournée sur la banquette. Lorsqu'elle est assise, debout ou allongée, aucun problème, mais dès qu'elle change de position, la douleur revient plus aiguë. J'en arrive à me demander s'il ne serait pas plus sage de lever le camp dès demain matin et consulter l'hôpital le plus proche. En attendant, tout va bien. Adossée contre ma poitrine, elle a trouvé sa position de confort et savoure son café tout en contemplant sa bague. Il est plus qu'utile de lui préciser qu'il faudra faire refaire la monture dès son retour à Paris. L'or utilisé en Afrique est totalement pur, donc très malléable, et le sertissage risque de ne pas tenir. De toute façon, toute la bague va se déformer rapidement et tu risques de perdre le diamant sans t'en rendre compte. Tu as là suffisamment d'or pour obtenir un alliage d'or gris bien plus dur et surtout bien plus élégant avec ce genre de pierre. Je sais que tu as raison, et je le ferai. Mais j'aurais tant voulu garder celle-là, m'aimer surtout, avec ses défauts. Je prends sa main, embrasse le bout de ses doigts. Je suis content d'avoir eu la chance de trouver ce diamant, mais son éclat est bien pâle, comparé à celui de tes yeux. Elle sait que je ne cherche pas à la flatter, que je suis sincère. C'est elle maintenant qui embrasse mes mains, plein de petits bisous. Je caresse ses cheveux. Si tu veux bien, j'aimerais jeter un coup d'œil sur les livres. Je vais les mettre sur la table. Ce sera plus pratique et surtout moins risqué pour les examiner. Je file dans le séjour récupérer les trésors chargés d'histoire. Je n'atteins pas la table où je les ai posés tout à l'heure. Le cri de Nathalie me glace le sang. Je bondis sur la terrasse. Nathalie est encore assise sur le canapé, la main sur la poitrine, l'air effrayé. La cause de cet effroi, de ce cri, se tient debout en bas des escaliers de la terrasse, près des buissons d'où il a dû surgir. Un jeune homme à la tignasse blonde, bronzé, la trentaine, beau comme un ange et surtout l'air très gêné. « Désolé, madame, il m'aperçoit. Monsieur, je suis navré. Je ne voulais pas vous effrayer. Toutes mes excuses. Je fais des photos, des oiseaux. C'est pour ça que je me cachais. Je croyais le chalet inoccupé. En cette saison, il n'y a jamais personne. Je suis dans le troisième chalet après celui-ci. » Nathalie se lève avec une petite grimace et s'avance avec précaution vers la balustrade. « C'est moi qui suis désolé d'avoir été aussi sotte pour crier comme ça. Je me présente, Nathalie. » Elle se tourne vers moi. « Et celui qui allait prendre votre scalp, c'est John. » Le jeune homme blond me fixe un instant. « Moi, c'est Gabriel. Vous êtes amérindien, creek, séminole ?» L'éclat de rire de Nathalie déconcerte Gabriel bien davantage que son cri de tout à l'heure. « John est français, mais peut-être avez-vous raison. Je suis prête à parier qu'il a du sang indien dans les veines. » Son sourire désarmerait une tribu apache. « Ne restez pas là, venez, montez, ce sera plus simple pour parler. » Gabriel fait le tour de la terrasse. En trois pas, il monte l'escalier de bois. Il est habillé tout de blanc. Chemise de coton à moitié ouverte sur un torse musclé comme un gymnaste. La chemise est sortie à la diable d'un pantalon de toile blanc remonté sur des mollets aussi bronzés que le visage de ce sympathique garçon. Impeccablement propre, les vêtements sont cependant quelque peu froissés, ce qui sied parfaitement à la décontraction du personnage. À son cou, une large sangle à laquelle sont suspendus un appareil photo et un étui à objectif. Il nous tend la main et, à mon grand étonnement, s'exprime en un français parfait. Sa poignée de main est franche et généreuse. Encore navré pour tout à l'heure, mais enchanté de faire votre connaissance. Sur le visage de Nathalie, la surprise est aussi marquée que la mienne. Elle passe sans transition à la langue de Molière. « Vous parlez français sans presque aucun accent. C'est remarquable. Où avez-vous appris ?» Il lui désigne le fauteuil devant la table basse. « Asseyez-vous. Un thé, un soda ou autre chose ?» Gabriel s'assied, remercie d'un sourire, pose son attirail sur le plancher à côté de lui. « Merci. Un tonique fera l'affaire. » Je m'éclipse un instant pour revenir avec un plateau, des verres et des boissons. Nathalie se tourne vers moi. Gabriel m'expliquait qu'il avait vécu 5 ans à Paris où il a suivi un cursus de kiné et d'ostéopathe. Il est rentré en Floride il y a 2 ans. Le sourire de Gabriel est chaleureux. Il a l'air si jeune. Tout en faisant le service, j'observe. 5 ans en France, rentré depuis 2 ans. Si je ne m'abuse, cela fait 7 ans. Vous avez dû commencer vos études au berceau. » Le sourire de Gabriel se fait encore plus doux. « Merci pour le compliment, mais c'est plutôt le contraire. Avant de partir à Paris, j'ai pas mal bricolé, surtout dans la photo professionnelle. J'ai 35 ans. » Ma surprise et celle de Nathalie sont totales, surtout celle de Nat, dont la spontanéité ne se dément pas. Les sourcils en accent circonflexe, elle s'exclame. « 35 ans, c'est incroyable. Vous êtes beau comme un adolescent. » « Ah, pardon, excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que vous faites très jeune. » La spontanéité de Nathalie amuse beaucoup Gabriel. « Donc, si je comprends bien, je fais très jeune, mais je ne suis pas très beau. » Nathalie rougit comme une pivoine. « Désolé, je suis vraiment incorrigible. » Elle le regarde avec un petit sourire contrit. « Non, Gabriel, vous faites très jeune et vous êtes très beau. Mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une déclaration d'amour, juste une observation clinique. » Le rire de Gabriel est aussi clair que ses yeux, aussi franc que son regard et surtout très contagieux. L'heure qui suit est agréable. Sans trop entrer dans notre intimité, nous expliquons à Gabriel comment nous avons fait connaissance. Il semble ému, quand Nathalie lui confie combien notre rencontre a immédiatement été fusionnelle. Son regard se voile. Paris est la ville des amoureux, mais ce n'est pas précisément le souvenir que j'en garde. Il se tourne vers moi. Toutes les femmes ne sont pas des Nathalie, et là, gare au cœur tendre. Nathalie et moi sommes désolés. Comment est-il possible de faire du mal à quelqu'un d'aussi doux, quelqu'un qui de toute évidence est la bonté même? C'est comme si Gabriel ressentait notre compassion et voulait nous rassurer. C'est pour cela que j'ai quitté Paris il y a 2 ans. La première année, j'ai travaillé d'arrache-pied pour oublier et surtout faire valider mes diplômes français. Ça m'a permis de mieux gérer cette rupture et maintenant, j'ai mon propre cabinet à Miami. Le souvenir de la femme qui lui a fait tant de mal est très certainement encore prégnant. Il a du mal à déglutir. Aujourd'hui, tout cela est derrière moi, mais je préfère passer mes loisirs en compagnie des oiseaux et de mes appareils, plutôt qu'en celle des jeunes femmes que mes amis s'obstinent à me présenter. D'ailleurs, il m'appelle frère Gabriel. J'avoue ne pas saisir. Frère Gabriel, allusion à une confrérie? La réponse n'est pas celle à laquelle je m'attendais. Une façon de dire que je mène une vie de moine. Nathalie se penche vers lui. Vos amis ont raison. Il y a certainement beaucoup de jolies filles qui seraient heureuses de sortir avec vous. Gabriel baisse la tête. Oui, sauf que je doute qu'une femme normale puisse se satisfaire d'une simple relation platonique. Lorsqu'il nous regarde à nouveau, ses yeux sont voilés de larmes. C'est plus que n'en peut supporter Nathalie. Elle se lève brusquement, sans doute dans l'intention de le réconforter, mais son élan se brise net. Elle retombe assise avec une grimace de douleur. Gabriel s'inquiète aussitôt. Vous vous êtes fait mal ? Je lui explique la partie de beach volley et surtout l'obstination de Nathalie à venir passer la Saint-Valentin dans les quais au lieu de consulter. Gabriel a repris l'ascendant et au spectacle de Nathalie se tenant la cuisse en grimaçant, sa tristesse s'est envolée. Il lui prend la main. « Je suis kiné et ostéopathe. Je pourrais peut-être vous examiner ? Si vous le voulez bien. » Nathalie me regarde, l'air un peu perdu. « Ça devra aller mieux après une bonne nuit de repos. » Je ne voudrais quand même pas ennuyer tout le monde pour 3 fois rien. Je ne peux que lui répondre, Gabriel a raison. Tu devrais le laisser regarder ta jambe, maintenant.